veux me barrer loin d'ici et ça depuis des années. Je rêve d'un paradis tropical, mais dans ma vie je me laisse aller. Marre de gratter un salaire, l'addition est salée. Je mets la télé, les mêmes salopes, les un salaire, ça m'a saoulé, frère. Je veux me barrer loin. Je me vois sur la plage en main, cocktail exotique avec une bête de go, donc viens pas me voir si t'es une ex-gothique. Je veux me barrer loin, mon frère, si tu veux te barrer, viens s'éloigner de ce quotidien de merde, cousin, ça me paraît bien. Car dans cette vie, gros, y'a pas de part égale. Les riches s'enrichissent, les pauvres meurent, c'est la merde. Donc j'ai pas fini de parler mal. Au micro, ça régale, mais on veut se barrer loin d'ici. Pas pour fuir le passé, mais juste un avenir indécis. Je suis indécent, et je m'en branle du moment que mes potos m'apprécient. Après ça, dis-toi que les faux, je les pèse, ou je me dois d'être précis. C'est pour mes dépressifs qu'ont envie de changer de paysage, qu'ont envie de se barrer loin d'ici, loin des dangers de ce pays sale. J'aimerais m'envoler, je sens mon âme faner. Prisonnier de la guerre, j'entends les colombes tomber. Si je devais revenir, qui serait encore là? Les déserteurs de la ville, gardent-ils encore tous leurs droits après leur grand départ? J'ai le mal du bled, tellement que ça me travaille dès que je sors du bed. Ça fait plaisir quand tu ramènes le beret de Etey. Quand on mange les brouettes de la vieille mama, ou même le couscous de la veille, crois-moi. Crois de quoi, crois de faire. Si je mange, crois que tu vas te faire. Les petites sœurs de là-bas en ont marre de la dèche. Prennent leur baluchon, finissent kahfa à Marrakech. Où tu liquides ton pognon, j'ai le mal du pays. Quand c'est Ramadan et que je fais le kefard. Quand sous alcool, je pleure mes larmes. Pense aux gosses en casse-dalle, ni sandales. Ici, je bouffe mon Big Mac sans avoir vraiment la dalle. Sans qu'il soit vraiment halal. Tu veux que je te dise, niveau culture, je serai jamais comme au bled. Et je serai jamais comme toi. Si tu mélanges les deux sur ta palette, ça fait un peu un mec comme moi. Mal du bled. J'aimerais m'envoler, je sens mon âme faner. Prisonnier de la guerre, j'entends les colombes tomber. Si je devais revenir, qui serait encore là? Les déserteurs de la ville, gardent-ils encore tous leurs droits après leur grand départ? J'ai le mal de la terre et je t'en parle en dévoilant mon art. Sur une plage de Thaïlande, sur le sable buvant ma limonade. Entre les cours de mouets, les filles qui tournent autour de moi. Les balades à la mer, puis les massages à l'huile de noix de coco. On se poudre, on trace à quatre sur l'île de Copenhague. Sans casque, direct sur la full moon. Après que Copenhague, leur faille se relâcher puis manger à sa faim. Entre les mains, jus d'orange pressé, récolte chaque matin. On s'entraîne à la dure, on flâne, on part en randonnée. On visite les profondeurs et son corail abandonné. Et tous les soirs, on se retrouve pour manger au marché. Bon petit platal avec en prime un bon gros marfré. Mais le bonheur ne dure qu'un temps, l'air pur nous rend content. Mais une fois de retour, c'est de la pluie qu'il faudra qu'on se contente. Mais le soleil dans nos cœurs nous réchauffera quand même. À défaut de le voir dans le ciel, j'attends que le vent s'en mêle. J'aimerais m'envoler, je sens mon âme faner. Prisonnier de la guerre, j'entends les colombes tomber. Si je devais revenir, qui serait ton? Les déserteurs de la ville gardent-ils encore tous leurs droits après leur grand.